Ivan et Fedora de Jules Van Gaver. Dans les dernières années du règne de l'autocrate Alexandre Ier, la ville de Riga avait pour gouverneur le comte Soltikov, riche boyard, dont l'administration paternelle et la spirituelle originalité ont laissé d'ineffaçables souvenirs dans la capitale de la Livonie. Marié fort jeune encore à une héritière de la puissante famille des Romanov et resté veuf à l'âge de 40 ans, il n'avait jamais voulu contracter de nouveaux liens. Soit qu'il n'osât s'exposer une seconde fois aux chances aléatoires de la loterie matrimoniale, soit qu'il craignît de donner à sa fille unique, la gentille Fedora, une mère qui n'en eût que le nom. Mais comme sa haute position sociale et les importantes fonctions dont il était investi ne lui permettaient pas de se consacrer tout entier aux soins paternels, il avait appelé auprès de lui sa vieille sœur Hélène de Voronzov, excellente douairière, qui, chargée par le comte de surveiller et de diriger Fedora, croyait remplir sa mission en se laissant mener par la pétulante et capricieuse jeune fille dont elle excusait tous les écarts avec l'aveugle faiblesse d'une mère. La tante Hélène était affligée d'une surdité presque complète qu'elle s'obstinait à nier avec un acharnement de paroles qui ne permettait pas de l'accuser de mutisme, ou du moins qu'elle déguisait de son mieux sous la prétentieuse périphrase de légère affection des organes auriculaires. À l'époque où commence cette moscovite et véridique histoire, Fedora venait d'atteindre sa 20e année. De soyeux cheveux blonds, une taille svelte et gracieuse, des yeux tour à tour pétillants de vivacité et veloutés de douceur, tels étaient les avantages qui permettaient à ses nombreux soupirants d'avoir l'air de ne pas songer au trésor de roubles qui accompagnait ce trésor de beauté. Parmi les aspirants à la main de la charmante boyarde, le général Igor, commandant de place à Riga, était un des plus empressés et croyait avoir le plus de chances de succès, car s'il ne plaisait guère à la jeune fille, il avait obtenu l'agrément du père. Et en vrai militaire habitué à l'obéissance passive du régiment, il traitait le mariage comme une affaire d'ordre du jour et de discipline. Igor, issu d'une famille honorable mais sans fortune, avait gagné avec éclat tous ses grades à la pointe de l'épée. Toutefois, sa brillante bravoure, qui lui avait valu l'estime de l'armée et de ses chefs, ne pouvait lui tenir lieu, auprès de Fedora, de cette élégance de manière, de ces dehors distingués, dont l'absence complète le faisait mieux ressembler encore à un soldat parvenu. Sous les dorures de son uniforme de général, Igor avait un extérieur de tambour-major et une politesse de caserne. Plus il cherchait à pallier, par une amabilité d'emprunt, sa rudesse originelle, plus il la faisait ressortir, en y ajoutant une dose de ridicule que la malicieuse Fedora exploitait avec une gaieté impitoyable. Mais Igor, d'un naturel obtus et peu clairvoyant, prenait ses sarcasmes pour des agaceries et le consentement du comte de Soltikov pour la signature du contrat. Du reste, pour faire plus ample connaissance avec nos personnages, entrons dans le salon du gouverneur et écoutons l'entretien animé de ce seigneur avec le général son subordonné. « J'en suis désolé, général Igor, dit le comte avec sévérité, mais je serai forcé de faire mon rapport au ministre. « Ah, monsieur le gouverneur, s'écrie Igor d'un ton à la fois rude et suppliant, pour si peu de choses. « Vous appelez cela peu de choses ? Reprend monsieur de Soltikov. « Comment ? Vous, commandant de place à Riga, chargé d'y maintenir l'ordre et la discipline, vous êtes le premier à les violer ? De tous côtés, des plaintes m'arrivent sur votre conduite scandaleuse. Hier au soir encore, au sortir d'un banquet, où sans doute il s'est vidé bien des bouteilles. « Monseigneur, la soif ne se commande pas !» interrompt le général, enchanté de sa plaisanterie de taverne. « Vous vous êtes livré, continue le gouverneur, à des excès indignes d'un homme qui a l'honneur de porter des épaulettes. Des passants ont été maltraités, des jeunes filles insultées. Pardon, monsieur le comte, pardon. Il y a quiproquo. Nous étions un peu gais, très gais, si vous voulez. Nous avons rencontré de petites femmes, charmantes. Nous avons voulu leur faire un brin de cour. Voilà tout. Jamais femme n'a pris cela pour une insulte. Le tsar en décidera. Vous voulez donc me perdre, me faire destituer, me déshonorer ? Dit Igor en croisant avec force les bras sur sa poitrine. Loin de là, général, reprend le comte avec le plus grand calme. Vous savez que j'ai de l'amitié pour vous, mais mon devoir. Monsieur de Soltikov, passez-moi encore celle-là, dit Igor, du ton câlin d'un vieux troupier sollicitant une grâce de son capitaine, et je vous jure, foi d'ancien soldat, promettez-moi d'en oublier les manières et je vous promets à mon tour d'oublier encore une fois vos torts. Comptez sur ma parole, monseigneur. Dès aujourd'hui, je renonce à mes habitudes de caserne. C'est le moyen de mériter les faveurs de notre souverain, l'estime des honnêtes gens et la main de ma fille. Ce dernier espoir suffirait seul pour me changer. Mais, à propos, ajouta le général avec gaieté, mon noviciat matrimonial sera-t-il bien long ? Cela dépend de vous, répond en souriant le comte. Devenir rangé, poli, aimable et Fédora vous appartient. Diable, je ne la tiens pas encore, fit Igor à part soi, se rendant intérieurement justice. Néanmoins, ne voulant pas avoir l'air de douter de lui-même, il reprit d'un ton de confiance. Eh bien, monsieur le gouverneur, nous voilà entendus, je vais devenir aimable, poli et rangé. Pour commencer, je quitte Riga. Vous quittez Riga, dit le comte étonné. Pour un jour ou deux seulement. À la bonne heure, mais quel motif ? Une affaire assez grave. Je suis à la piste d'un jeune étourdi qui a eu la maladresse de tuer son adversaire en duel. Effrayé sans doute de sa sottise et du châtiment que la loi lui réserve, notre homme a pris la clé des champs. Mais on m'assure qu'il l'est caché dans un château aux environs de Riga. Je vais m'en éclaircir et n'attends pour partir que l'arrivée du major Potocki. Il me suppléera pendant mon absence. « Fort bien, général, dit M. de Soltikoff, faites votre devoir. C'est déjà un bon commencement de réforme. » Après cela, ajouta-t-il, avec ce sourire légèrement sarcastique qui lui était familier, vous n'aurez plus qu'à plaire à ma fille et votre affaire est faite. Comme il disait ces mots, Fédora et la tante Hélène entraient dans le salon. À l'aspect de sa belle, Igor se redressa comiquement et s'avança vers elle en se dandinant avec toute la grâce d'un tourlourou en bonne fortune, puis s'inclinant aussi profondément que le solliciteur concave de la caricature, il se jeta à corps perdu dans l'inextricable labyrinthe d'une phraséologie galante, d'où, à la grande jubilation de Fédora, il ne serait jamais sorti avec les honneurs de la guerre si l'on était venu l'avertir fort à propos que le major Potocki attendait ses ordres. Le comte de Soltikoff voulut avoir l'air de désapprouver l'hilarité moqueuse de sa fille, bien qu'il n'eût pu lui-même s'empêcher de rire de l'éloquence excentrique d'Igor. « Ma chère Fédora, dit-il en cherchant à reprendre sa gravité un peu compromise, pourquoi ce ton de persiflage avec ton prétendu ?»« C'est que mon prétendu a des prétentions fort drôles, répondit gaiement la jeune fille. « Le pauvre garçon, il fait ce qu'il peut pour te plaire. Il n'y réussit guère, en tout cas. C'est que tu le décourages. Igor est un brave militaire. Je ne doute pas de sa bravoure. » Mais il s'entend mieux à prendre d'assaut une forteresse que le cœur d'une jeune fille. Alors, pourquoi vient-il m'assiéger ? Ici, la tante Hélène, qui voulait à toute force avoir l'air d'entendre la conversation et d'y prendre part, saisit au vol le dernier mot prononcé par Fédora, et heureuse de pouvoir donner une preuve de la finesse de son ouïe. « Quelle ville va-t-on assiéger ? » demanda-t-elle résolument. « Oh, une ville très bien défendue, à ce qu'il paraît, » répondit le comte en riant. « Peut-on compter sur la garnison ?» reprit la tante. « Demandez-le au commandant de la place, » répliqua M. de Soltikoff en désignant Fédora. « Au général Igor, » dit Hélène, qui était vraiment vaine de perception auriculaire. « Il peut en effet vous en dire des nouvelles, » ajouta le comte, que les coq-à-l'âne de sa sœur divertissaient grandement. « Est-ce lui qui la défendra ? Au contraire, il l'attaque. « Et ne la prendra point ?» dit vivement la pétulante Fédora. « Peut-être. » répliqua le comte avec son sourire sarcastique. « J'en suis sûr, » riposta la jeune boyarde, d'un ton fier et décidé. « Voilà une confiance bien présomptueuse, à moins, » continua-t-il malignement, « que d'autres n'aient des intelligences dans la place. »« Ah, mon père !» s'écria Fédora, scandalisé. « Cela s'est vu, » dit finement le gouverneur. « Du reste, » ajouta-t-il plus sérieusement, « j'aime à croire qu'il ne se passera rien de contraire à l'honneur ni au devoir, et je te laisse sur cette réflexion. » Il sortit à ces mots, suivi de la tante Hélène à qui il venait de dire « Restez, ma sœur. » Lorsqu'elle fut seule, Fédora se prit à réfléchir profondément et soupira. Or, quand une jeune fille, qu'elle soit boyarde ou grisette, réfléchit et soupire, on peut, sans être plus malin sorcier que Mathieu Lenzberg, devinait le sujet de sa rêverie. En ma qualité d'historien véridique, titre assez rare pour que j'y tienne, que c'était bien moins l'extérieur peu séduisant d'Igor qui l'empêchait de réussir auprès de Fédora, que le souvenir d'un certain monsieur Iban, beau jeune homme, à la taille cambrée, au regard sentimental, avec qui elle avait dansé presque toute la nuit, au dernier bal donné par la ville, qui lui avait pressé tendrement la main, toutes les fois que les figures des polkas et des mazurkas de l'époque le permettaient, et qui voulait absolument devenir le serf de la gentille boyarde, laquelle ne demandait pas mieux. Mais les parents russes tiennent encore un peu du tartare. Ils ne comprennent guère tout ce qu'il y a de romanesque dans une passion éclose entre un avant-deux et une queue de chat, et se nourrissant des tris du flageolet ou des fanfares du cornet à piston. Du reste, je ne parle ainsi qu'en thèse générale, et j'aurais mauvaise grâce d'accuser le comte de Soltikov de barbarie à l'encontre de sa chère Fedora, car il ignorait complètement le penchant qu'elle éprouvait pour le jeune Ivan, et cette ignorance était d'autant plus pardonnable que les rapports chorégraphiques des deux amants n'en avaient pas amené entre eux de plus intime, par la bonne raison qu'ils ne s'étaient plus revus depuis le bal où naquit leur mutuel amour. Pendant que Fedora pensait tristement que son beau jeune homme si tendre, si passionné, l'avait peut-être déjà oublié, un bruit assez fort se fit entendre dans le jardin qui communiquait avec le salon par une porte donnant sur un large perron. Interrompue dans sa rêverie amoureuse, Fedora s'avance pour connaître la cause de ce bruit et voit avec effroi un homme franchir le mur de clôture, s'élancer dans le jardin et courir vers le salon où il entre d'un air effaré. Par un de ces hasards providentiels que le destin tient en réserve pour la plus grande commodité des romanciers et des vaudevillistes, cet homme, vous le devinez, était Iban. Après les exclamations d'usage entre personnes étonnées, « Au ciel, que vois-je? Est-ce bien vous ?» le dialogue suivant s'établit. Écoutons-le. Il nous expliquera sans doute le motif de cette manière peu usitée d'entrer chez les gens sans passer par la porte. « Oh, comme m'avait fait peur, monsieur Iban !» dit Fedora encore toute tremblante. « Pardon, mademoiselle, pardon !» répondit Iban, non moins enchanté qu'essoufflé. « Mais si vous saviez quelle aventure !»« Expliquez-vous, je ne puis comprendre !» dit vivement Fedora, en qui l'amour n'excluait pas la curiosité. Si vous vous souvenez de ce bal où j'eus le bonheur de vous voir pour la première fois, reprit Ivan avec tendresse, ce bal que je n'oublierai de ma vie. Fedora baissa la tête et ses joues se couvrirent d'une rougeur charmante qui signifiait, en bon russe, ni moi non plus. Vous vous rappellerez aussi, sans doute, continua Ivan, le scandale qui termina si brusquement cette belle fête et le châtiment public que j'infligeais à l'insolent jeune homme qui avait osé vous adresser de grossières paroles. Mais l'affront sanglant que je lui fis subir exigeait une éclatante réparation. Un duel s'ensuivit. « Un duel ?» s'écria Fedora avec effroi. « Plus adroit ou plus heureux que mon adversaire, je le blessai mortellement. Grand Dieu !» exclama la sensible boyarde en croisant ses jolies petites mains blanches. « Vous connaissez l'impitoyable sévérité de nos lois. Obligé de me cacher, je me réfugiais chez un ami où je me croyais en sûreté. Mais ma retraite a été découverte. Averti en secret, je n'ai eu que le temps de me sauver à la hâte. J'ai gagné une rue peu fréquentée, j'ai escaladé le mur d'un jardin que j'ai trouvé devant moi et vous savez le reste. Maintenant, ma vie est entre vos mains. Me croyez-vous capable de vous livrer ? Dit Fedora avec un charmant sourire. Ange, s'écria sentimentalement Ivan, en s'emparant d'une des mains de Fedora, qui oublia de la retirer. Enhardi par ces distractions de l'ange, Ivan continua avec chaleur. « Après vous avoir dû la liberté et la vie, me permettrez-vous de vous les consacrer ?»« Hélas !» soupira Fedora, « renoncez à cet espoir. »« Qu'entends-je, mademoiselle ? Ne seriez-vous plus libre ?»« Mon père a disposé de ma main. Je dois me soumettre à ses volontés, » reprit Fedora, se posant en victime résignée, quoiqu'elle ne le fût guère à dire vrai. « Et mon heureux rival ?» demanda fièrement Ivan, prenant une attitude de matamore. « C'est le commandant de la place, le général Igor, lui-même. Depuis longtemps il m'obsède de ses soins, et vous l'auriez trouvé ici sans doute si je ne sais quel devoir ne l'avait appelé hors de Riga. » Ils en étaient là de leurs explications lorsque la voix du comte de Soltikov se fit entendre. Il appelait Fedora et s'avançait à grands pas vers le salon. Quoique la conversation des deux jeunes amants ne méritât pas le moins du monde l'épithète de criminel, dans le sens qui attache nos chastes voisins d'outre-Manche, ils se troublèrent l'un et l'autre. « C'est mon père, dit à demi-voix Fédora, toute bouleversée. Où vous cachez ? Nulle part, mademoiselle, répondit Ivan. Ce serait vous exposer à des soupçons. Monsieur de Soltikoff ne me connaît pas, je reste. Mais que lui direz-vous ? Avant que le jeune homme eût le temps de répliquer, le gouverneur était rentré. Je te croyais seule, ma fille, dit le comte, surpris à la vue d'un inconnu. Mon père, balbutia Fédora en rougissant, voilà monsieur qui vient pour... Elle ne put rien trouver de mieux. Le génie inventif des femmes l'avait tout à fait abandonné. Ivan s'en aperçut et lui vint en aide en attirant sur lui l'attention du gouverneur. Est-ce à monsieur le comte de Soltikoff, gouverneur de Riga, que j'ai l'honneur de parler ? Dit-il en saluant profondément pour cacher son émotion. À lui-même, monsieur, répondit le comte de ce ton sèchement poli des grands, qui intimide plus qu'il n'encourage. Puis-je savoir ? Très volontiers, monseigneur, je ne demande pas mieux, interrompit le jeune homme, se raccrochant à des phrases vides, dans l'espoir de retrouver son aplomb. Mais c'est que... Que signifie ? Dit le comte étonné en regardant tour à tour Ivan et Fédora. Pardon, monseigneur, reprit Ivan, désorienté, mais franchement, je ne m'attendais pas à l'arrivée de votre excellence. Oh mon Dieu, que dit-il ? Pensa Fédora, à peine remise de son trouble. À qui en avez-vous donc ? Demanda le comte. Au général Igor, répliqua Ivan. Il est absent. Je le sais, monseigneur, s'écria étourdiment le jeune homme. Perd-il la tête ? Murmura Fédora, vraiment épouvantée des réponses incompréhensibles d'Ivan. Vous le savez, dit M. de Soltikoff, un peu surpris. Alors pourquoi venir le chercher ici ? Entendons-nous, monseigneur, reprit Ivan, pataugeant de plus en plus. Je le sais, il est vrai, mais c'est seulement depuis que vous m'avez fait l'honneur de me l'apprendre. Ah ça, jeune homme, qu'avez-vous donc ? Dit le comte avec hauteur. Oublieriez-vous à qui vous parlez ? Dieu m'en garde, monseigneur. « Expliquez-vous clairement, » continua M. de Soltikoff du même ton, « que venez-vous faire ici ?» Poussé dans ses derniers retranchements, Ivan retrouva sa présence d'esprit et répondit résolument « J'y viens complimenter le général Igor sur son prochain mariage. »« À quel titre, monsieur ?» dit brusquement le comte. « À titre de cousin. »« Vous êtes le cousin du commandant ?»« Et que ne le disiez-vous plus tôt ?» ajouta le gouverneur un peu radouci. « J'avais mes raisons pour n'en rien faire, » pensa le jeune homme. « Désolé de vous avoir traité comme un inconnu, » continua M. de Soltikoff, revenant à son naturel de politesse bienveillante. « Au contraire, monseigneur, vous ne pouviez me faire une réception plus agréable, » dit en souriant Ivan, qui avait repris tout son sang-froid. « Le général sera bien fâché de ne s'être pas trouvé à Riga. Il vous aurait vu avec tant de plaisir. « Et moi donc ?» fit Ivan d'un air goguenard. « Mais ce qui est différé n'est pas perdu. » « J'en ai peur, » mâchonna Ivan. « Et nous aurons, je pense, le plaisir de vous revoir ?»« Sans doute, monseigneur. »« Votre cousin sera ici dans 2 ou 3 jours. »« Cela me donne le temps de filer, » pensa Ivan en s'inclinant pour prendre congé du comte. « Attendez donc, » dit celui-ci en regardant vers la porte. « Voici le général. Est-ce heureux pour vous ?»« Excessivement heureux, » fit Ivan avec dépit. « Quel contretemps ?» murmura Fédora, en voyant paraître Igor. Le commandant de la place était suivi de son domestique, le sergent Patoff, lourd cosaque auprès de qui le général était un papillon de grâce et de légèreté. « Monseigneur, dit-il sans en prendre garde à Ivan, vous ne pensiez pas sans doute me revoir si tôt. Mais au moment de partir, j'ai reçu des renseignements plus exacts. L'homme que nous poursuivons n'a pas quitté Riga, et j'allais le chercher bien loin tandis qu'il est peut-être fort près. Il ne croyait pas si bien dire. « Je suis charmé de votre prompt retour, général. »« Et voilà, monsieur, » dit le gouverneur en montrant Ivan, « qui est encore plus charmé que moi. »« Le diable m'emporte, si c'est vrai, » marmotta Ivan, tout en saluant à plusieurs reprises le commandant de la place, qui répondit à ses politesses par un brusque. « Votre serviteur, monsieur. »« Faites donc un peu plus d'accueil à votre cousin, » dit le comte. « Monsieur est mon cousin, » fit Igor en examinant Ivan de la tête aux pieds. « D'où diable sort-il donc ? Je ne me suis jamais connu un seul oncle. »« Cependant, général, » répliqua Ivan avec aplomb, « vous devez avoir entendu parler d'un Igor qui est allé chercher fortune aux Grandes Indes. »« Jamais, » dit d'un ton bref le général. « C'est étonnant, » reprit le jeune homme. mais pas trop, puisque mon père n'avait ni frère ni cousin, et que je suis son fils unique. « Comment se tirera-t-il de là ? » dit en elle-même Fédora, qui suivait avec anxiété cet étrange dialogue. « Si vous ne voulez pas me reconnaître pour votre cousin, » ajouta Ivan à demi désarçonné, « je n'y puis rien pourtant, il me semble que votre parenté avec le général est fort équivoque, » dit le gouverneur avec sévérité. « Pourquoi tout ce mystère, monsieur ? Voyons, qui êtes-vous ? » « Je vous l'ai dit, monseigneur, » répondit Ivan avec le calme de l'innocence. À ces mots, le sergent Patoff, qui depuis son arrivée n'avait pas ôté les yeux de dessus Ivan, fit quelques pas vers le gouverneur, exécuta le salut militaire avec une grâce de cosaque et demanda la permission de donner des renseignements sur ce particulier-là. « Est-ce que tu as eu des rapports avec monsieur ? » lui demanda le comte. « Oui, monseigneur, » répondit d'un ton d'importance le sous-officier. Un certain soir que j'avais un peu trop fêté le grand Saint-Nicolas, mon patron, je rencontrai cet individu, dit irrévérencieusement Patoff en désignant Ivan, dans une rue assez large, ordinairement, mais ce jour-là si étroite que je me cognais à tout moment contre les murailles. Bref, ce monsieur prétendit que je lui étais tombé dessus, et en me repoussant par les épaules, il m'accompagna d'un geste de sa botte, blanc, qui vint taper juste au-dessous de ma giberne. Il allait continuer, mais ses amis l'arrêtèrent en lui disant « Allons, Ivan, laisse ce vieil ivrogne !»« Ivan ?» s'écria vivement Igor. « En es-tu bien sûr ?»« Oh, pour ça, général, je vous en réponds. Vous concevez que ce nom et surtout ce geste, ça m'a frappé !» dit Patoff, portant machinalement la main à la partie offensée. « Et tu appelles cela avoir des rapports avec les gens ?» dit M. de Soltikoff. « Oui, monseigneur, » répondit naïvement le cosaque. « Ils sont jolis, les rapports, » ajouta le comte avec son rire sarcastique. Cependant, Igor avait sorti de sa poche un papier renfermant le signalement d'Ivan, et après s'être assuré de l'identité du coupable, que venait de lui dévoiler la déposition burlesque de Patoff, « C'est bien cela, » dit-il d'une voix stridente. « Ainsi, » ajouta-t-il avec une ironie brutale, « mon prétendu cousin des Grandes Indes n'est autre que M. Ivan le dueliste, que je cherche partout inutilement et qui a l'audace de se présenter chez son Excellence. Fort bien, monsieur, vous êtes mon prisonnier. Patoff, tu me réponds de lui, prends garde qu'il ne t'échappe. » Soyez tranquille, général, ce n'est pas tous les jours la Saint-Nicolas, répondit Patoff en clignant de l'œil avec une lourde finesse. Pour le coup, il est perdu, pensa Fédora, consternée. Mais l'approche du danger avait rendu au jeune homme toute son énergie et il reprit avec assurance. « Eh bien, général, je ne le nierai point, puisque ce lourdeau m'a reconnu. » Patoff parut peu flatté de l'épithète. « Je m'appelle en effet Ivan, mais il me semble que ce n'est pas un crime. De quoi m'accuse-t-on ? » « De vous être battu en duel, » dit Igor avec force, « et d'avoir tué votre adversaire. » « Et s'il n'était pas mort ? » reprit Ivan effrontément. « Alors ce serait différent, » répondit le général. « Malheureusement, il n'en est pas ainsi. » « Et si je vous disais que je viens de le rencontrer dans la ville, je n'en croirais rien. Et si, pour vous convaincre, j'allais le chercher et je vous le présentais ?»« Alors nous verrions, » dit Igor, que le ton d'assurance d'Ivan commençait à ébranler. « Écoutez, jeune homme, » interrompit M. de Soltikoff, « si vous dites vrai, votre position est bien changée. Mais la preuve de votre assertion ?»« Je puis vous la donner, monseigneur. Laissez-moi aller à la recherche de mon adversaire. » « Je le veux bien, » dit le comte. « Patoff, tu vas accompagner M. Ivan. Garde-le à vue et méfie-toi de ses gestes. »« Je ne crains rien, monseigneur, » répondit Patoff en faisant passer Ivan devant lui. « Eh bien, général, qu'en pensez-vous ? » demanda le gouverneur au commandant de la place dès que le prisonnier fut sorti. « Ma foi, si son adversaire en est réchappé, il n'y a pas lieu à poursuivre. Et tant mieux, par Saint-Nicolas, » ajouta Igor avec une franchise toute militaire. Car il en coûterait à un vieux soldat comme moi de faire condamner à mort un jeune homme dont tout le crime est d'avoir défendu son honneur à la pointe de l'épée. « Ah, très bien !» s'écria involontairement Fédora. « Je m'en doutais, » dit en lui-même M. de Soltikoff, éclairé par l'exclamation de sa fille. Puis, s'adressant à Igor, « Je comprends ce sentiment général, mais la loi ne peut tolérer un préjugé barbare qui porte le deuil dans les familles. Elle tolère bien la guerre, » fit Igor. « Oh, c'est très différent, » répliqua le comte. Duel d'homme à homme, duel de nation à nation, voilà toute la différence, déclama sentencieusement le commandant de la place. Bravo, général, dit à son tour Fedora. Je ne vous croyais pas tant de philosophie, et je vous en fais mon compliment. Enchanté, mademoiselle, que ma philosophie soit de votre goût, en attendant que vous en disiez autant du philosophe. Ah ça, mon cher Igor, je ne vous reconnais plus, dit le comte en riant. Savez-vous que vous pétillez d'esprit? Et d'amour, monseigneur. Encore, de plus en plus fort. Je vous l'avais promis, monseigneur, aimable, poli et rangé. À merveille, général. Mais revenons à notre jeune homme. Pensez-vous qu'il nous en est imposé? Je ne puis croire qu'il ait eu cette impudence. Mais dans ce cas, cela finirait mal pour lui, dit Igor avec une si grosse voix et des yeux si flamboyants qu'il mit en fuite Fedora, qui ne se sentit pas la force d'assister au dénouement qu'elle prévoyait. Du reste, continua Igor, j'ai chargé le major Potocki de prendre des renseignements positifs. Nous n'en aurons pas besoin, sans doute, reprit le comte en voyant entrer Ivan, suivi d'un jeune homme inconnu. Monsieur le gouverneur, dit Ivan en lui présentant son compagnon, je m'acquitte de ma promesse. Mon généreux adversaire, oubliant mes torts, n'a pas balancé à me suivre jusqu'ici. Général, ajouta-t-il en se tournant vers Igor stupéfait, vous pouvez l'interroger. « Votre nom ?» demanda brusquement Igor à l'étranger. « Mensikov, » répondit celui-ci avec quelque hésitation, et après avoir jeté sur Ivan un de ces regards interrogatifs qu'un acteur, peu sûr de son rôle, adresse au souffleur. « Vous vous êtes battu avec Monsieur Ivan ?» reprit Igor. « Oui, général. Et vous avez été blessé ?»« Très dangereusement. » »« Et vous n'êtes pas mort ?» dit le général avec une brusquerie naïve. « Je ne crois pas. » répondit en souriant l'inconnu. « Voilà qui me confond !» s'écria le commandant de la place. « Tous mes renseignements parlent d'un homme tué. »« Tous vos renseignements ont tort, » dit Ivan. « Vous le voyez, monsieur n'a pas l'air d'un fantôme. » continua-t-il gaiement en frappant sur la large épaule du Mensikov en litige, dont la solide structure et les joues rebondies écartaient toute idée de vampirisme. « Ainsi, général, vous ne pouvez me refuser ma liberté ?»« Puisqu'il en est ainsi, » dit Igor ébranlé. En ce moment, le sergent Patov entra précipitamment et remit au général un pli de la part du major Potocki. Cette lettre renfermait le certificat du médecin qui avait assisté à l'agonie du jeune Mensikov, mort des suites de son duel avec Ivan. Devant cette pièce authentique, signée de la main du docteur, le doute n'était plus possible. Igor, furieux de la mystification que les deux jeunes gens s'étaient permise, les fit arrêter. Mais avant de les envoyer à la forteresse, il ordonna de fouiller le prétendu Mensikov. On trouva sur lui une lettre adressée à Ivan et signée du nom de Godolphin. Sur l'invitation du gouverneur, le général lut à haute voix cette lettre conçue dans les termes suivants. « Monsieur, je viens vous faire part de la mort de votre oncle Ovansky, décédé hier dans sa terre de Wollenberg à l'âge de 82 ans. » Ami intime du défunt qui m'a nommé son exécuteur testamentaire, je dois, en cette qualité, vous donner connaissance de ses dernières dispositions à votre égard. » Ici le comte interrompit Igor. « Ne lisez pas plus loin, général. Ce sont là des affaires particulières qui ne nous apportent aucun éclaircissement. Faites conduire à la citadelle M. Ivan, prévenu d'homicide volontaire, et qu'il reste jusqu'à ce que l'on ait des preuves de son innocence ou de sa culpabilité. Quant à ce jeune homme inconnu, qui a cherché à nous en imposer en se faisant passer pour l'adversaire de M. Ivan, son délit est purement civil et je me charge de son interrogatoire. « Marchons, mon cher cousin, » dit Igor avec une ironie grossière. « Nous allons vous installer dans votre nouvel appartement, où vous serez logé aux frais de sa gracieuse majesté l'autocrate de toutes les Russies. Surtout ne faisons pas le mutin, » ajouta-t-il rudement, en s'apercevant d'un mouvement d'impatience qu'Ivan ne put réprimer. « Allons, Patov, quatre hommes de bonne volonté. » Le sergent s'avança, suivi de quatre soldats qui entouraient Ivan, et la petite troupe s'achemina vers la citadelle. Ils avaient à peine fait quelques pas que Patov, qui marchait en tête, fit un bond convulsif et, par une manœuvre inattendue, se plaça à l'arrière-garde. Il venait de s'apercevoir qu'Ivan était immédiatement derrière lui. « À nous maintenant, monsieur, » dit avec sévérité le gouverneur, lorsqu'il se vit seul avec le prétendu adversaire d'Ivan. « Votre nom ?»« Godolphin, » répondit le jeune homme. « C'est donc vous qui avez écrit à M. Ivan ? Non, monseigneur, je ne le connaissais même pas, et je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois. Pourriez-vous m'expliquer cet absurde imbroglio ? Très aisément, monseigneur. M. Vansky, oncle de M. Ivan, vient de mourir en laissant une superbe fortune à son neveu. Événement d'autant plus heureux pour ce dernier, qu'un nom glorieux et le souvenir d'une belle action sont les seules richesses qu'il ait héritées de son père, brave militaire, mort en 1813 à Lützen, en sauvant la vie à son général. « Que dites-vous ? » interrompit vivement le comte. « Ce jeune homme sera le fils de mon aide-de-camp, le brave capitaine Ivan, mon sauveur. » « Oh, mon noble ami » ajouta-t-il d'une voix émue. « Je pourrais donc te payer ma dette ? Mais, continuez !» reprit le gouverneur d'un ton plus calme, après un moment d'attendrissement muet que Godolphin n'osait interrompre. « Continuez !»« Mon père, dit Godolphin, ami du défunt et son exécuteur testamentaire, s'est empressé d'écrire au légataire et m'a chargé de porter la lettre à son adresse. Je m'acheminais vers sa demeure, lorsqu'à ma grande surprise, je me suis vu accosté par un jeune homme inconnu qu'un sergent suivait à quelques pas. Il m'a conté en peu de mots et à demi-voix le cruel embarras dans lequel il se trouvait et m'a supplié de jouer le rôle de son adversaire et de venir témoigner en sa faveur. Le stratagème m'a paru original et je m'y suis prêté d'autant plus volontiers que j'espérais ainsi arracher à la mort un brave jeune homme accusé d'un crime qui n'en est pas un à mes yeux. Voilà, monseigneur, l'exacte vérité et la justification de ma conduite. Elle est loin d'être irréprochable, monsieur, dit le comte. Je veux bien excuser pourtant tout ce qu'elle offre d'étourderie et d'inconvenance en faveur du motif qui vous a guidé. Ah, monseigneur, que de bonté, répondit Godolphin en s'inclinant. Maintenant, si vous voulez mériter votre pardon, voici ce que vous avez à faire, reprit M. de Soltikoff, s'asseyant devant un bureau et écrivant. « Ordonnez, monseigneur, dit respectueusement Godolphin. Vous allez vous rendre à la citadelle, continua le gouverneur sans quitter la plume. « Comment, monseigneur ? S'écria Godolphin épouvanté. « Ne craignez rien, ce n'est pas pour votre compte, répliqua M. de Soltikoff avec son malin sourire habituel. Puis, lui remettant un pli cacheté, « Vous montrerez au commandant cet ordre en vertu duquel il vous confiera sans difficulté, monsieur Ivan. » Et vous ramènerez ici le prisonnier. Mais gardez-vous de lui souffler un seul mot de la brillante fortune dont il hérite. Cette recommandation est de rigueur, entendez-vous ? Monseigneur, comptez sur ma discrétion, dit Godolphin en sortant. Il avait à peine quitté le salon que Fedora y entra. Elle était pâle et soucieuse, et le comte fut vivement touché de la profonde tristesse peinte dans les yeux de la jeune fille, ordinairement si rieuse et si folâtre. Il la prit dans ses bras, et la baisant au front, lui demanda avec tendresse le sujet de son chagrin, en lui promettant de tout faire pour assurer son bonheur. Encouragée par ses témoignages d'affection, Fedora supplia son père de ne pas la condamner au tourment d'une union mal assortie. Adroitement questionnée par le comte, elle était arrivée enfin, de réticence en réticence, à lui avouer qu'elle détestait Igor et qu'elle aimait Ivan lorsque ce dernier parut. Il avait espéré trouver Fedora seule et fut vivement contrarié à l'aspect du gouverneur. « Approchez, Ivan, dit le comte avec bonté. « Que venez-vous chercher ici ?»« Monseigneur, répondit Ivan, un peu rassuré par le ton bienveillant de M. de Soltikoff, j'ai besoin de toute votre indulgence. J'ai trompé la surveillance de mes gardiens et me suis échappé de la citadelle. « Et vous venez sans doute tâcher d'obtenir votre pardon ? Interrompit le comte. « Non, monseigneur, répliqua fièrement Ivan, je n'ai point de grâce à demander pour un crime involontaire. Mais avant de quitter Riga, pour toujours peut-être, je voulais voir une dernière fois celle qui m'inspirait un sentiment que rien n'effacera de mon cœur. « Oui, continua-t-il avec une chaleur qui fit rougir Fedora et sourire le comte, pourquoi le cacherais-je ? Je n'ai plus rien à perdre. « Oui, monseigneur, j'aime, j'adore Fedora. Punissez-moi de mon audace. « Vengez-vous. Le glaive de la loi est dans vos mains. Frappez. Arrachez-moi une vie qui m'est odieuse, puisqu'il m'est défendu de la lui consacrer. » « Dans quel chapitre du code trouve-t-on cette défense ? » dit en souriant M. de Soltikoff. « Et quoi, monseigneur, vous n'êtes pas furieux ? » reprit Van, stupéfait du calme du gouverneur. « Êtes-vous furieux, mon frère ? » dit la tante Hélène qui venait d'entrer et qui avait saisi les dernières paroles d'Ivan. « Mais pas trop, ma sœur, ce me semble, » répondit le comte avec le plus grand flegme. « Du reste, monsieur, » continua-t-il en s'adressant à Ivan, « je prononcerai bientôt sur votre sort. En attendant, veuillez conduire ma sœur et Fedora dans la salle voisine et y rester jusqu'à ce que je vous appelle. « Allons, jeune homme, un peu de galanterie, » ajouta-t-il gaiement en le voyant hésiter. « Offrez donc la main à ces dames. » Ivan se résigna sans peine, quoiqu'il ne comprît rien à l'intention du comte, qui les poussa, en riant, dans la pièce contiguë au salon, et ferma la porte sur eux, car il pensait bien que son envoyé ne pouvait tarder à revenir. En effet, au bout d'un moment, Godolphin reparut. « Monseigneur, dit-il vivement, le trouble est dans la citadelle, le prisonnier s'est évadé. Le général Igor ne sait plus où donner de la tête. Il va, il vient, il crie, il se désole. Mais vous allez l'entendre vous-même, il me suit. » « Silence sur tout ce qui s'est passé entre nous, » dit M. de Soltikoff, « et laissez-moi faire. » Godolphin s'inclina. En ce moment, le général Igor entra, en se démenant avec fracas et en proférant des imprécations assaisonnées d'épithètes qu'on ne trouve dans aucun vocabulaire russe. « À qui en avez-vous donc, général ?» lui dit tranquillement le comte. « Monseigneur, le diable s'en mêle !» répondit Igor, contenant avec peine son émotion. « Le cousin des grandes Indes y est retourné, je crois. « Comment ?» reprit M. de Soltikoff, jouant l'étonnement. « Le prisonnier ?»« Envolé, monseigneur !» interrompit vivement Igor. « Évanoui comme un farfadet !»« Encore une sottise ?» s'écria le gouverneur, feignant une grande colère. « Et quoi, monsieur ? C'est donc ainsi que vous surveillez les prisonniers que je confie à votre garde ? Savez-vous bien que cette coupable négligence mériterait une punition exemplaire ? Et que répondriez-vous au tsar notre maître s'il vous demandait compte de son sujet? De ce coupable que vous dérobez à la vindicte publique? Que lui diriez-vous? Parlez! Parbleu, répondit Igor avec humeur, je lui dirais, autocrate, j'ai tort, mais ce n'est pas ma faute. Bien répondu, reprit le comte, réprimant avec peine un sourire. Mais croyez-vous que le tsar se contenta de cette réponse? Possible que non, dit avec insouciance le commandant de la place. Qui sait même si, dans sa colère, il ne vous enverrait pas faire une promenade de santé en Sibérie ? Saint-Nicolas m'en préserve ! S'écria vivement Igor, ramené au danger de sa position par les paroles du gouverneur. « Vous, monseigneur, qui êtes si bon » continua-t-il en adoucissant les rudes notes de sa voix, « aidez-moi à sortir de ce mauvais pas. » « Je ne vois qu'un moyen, » dit le comte après un instant de réflexion. « Quel est-il, monseigneur ? Parlez, de grâce ! » C'est de dresser sur cette affaire un rapport dans lequel vous déclarerez que, tout bien examiné, Ivan n'est pas coupable et qu'on l'a relâché. Je certifierai le rapport et nous l'enverrons à l'empereur. L'excellente idée, monseigneur. Mettez-vous là, général, reprit le comte, en montrant un bureau à Igor, et rédigez à l'instant cette pièce. Vous allez voir, monsieur le comte, dit Igor, s'asseyant et prenant la plume. Je vais rendre le fugitif plus blanc que la neige. « Oui, en songeant à celle de la Sibérie. « Ne m'en parlez pas, monseigneur, » fit Igor tout en écrivant. « Vous me faites trembler. »« Ah, général, un militaire, trembler. »« De froid, monseigneur, de froid. »« À la bonne heure, » dit le gouverneur, souriant du biais improvisé par le général. « Mais achevez votre rapport. »« Ce sera bientôt fait, » répondit Igor, se courbant sur son papier et griffonnant avec l'ardeur d'un écolier qui touche à la fin de son pinsomme. En le voyant ainsi absorbé dans son travail, M. de Soltikoff alla ouvrir doucement la porte de la pièce où sa fille et sa sœur se trouvaient avec Ivan et leur fit signe de rentrer et de se tenir en arrière. Puis, s'approchant d'Igor, « Eh bien, général, êtes-vous prêt ? » lui dit-il. « Voilà, monseigneur, » répondit celui-ci en se levant et en remettant le rapport au gouverneur. « À merveille, » dit M. de Soltikoff, après avoir parcouru rapidement ce papier. « Maintenant, il ne me reste plus qu'à le certifier, et grâce à moi, vous voilà tiré d'affaire. Mais, » ajouta-t-il avec le malin sourire que nous lui connaissons, « je veux auparavant avoir le plaisir de vous présenter mon gendre. » À ces mots, il prit par la main Ivan, qui résistait presque, tant il avait peine à croire aux dernières paroles du comte. « Se fait-il prier ?» dit gaiement le gouverneur, en l'entraînant de force vers Igor, dont l'étonnement, d'abord muet, fit bientôt explosion en phrases entrecoupées. « Le prisonnier ? Votre... « Oh non, c'est impossible !»« Pourquoi cela ?» fit le comte. « Un criminel !» répondit avec force le général. « Vous venez d'attester son innocence !» répliqua le gouverneur en montrant le rapport qu'il tenait encore à la main. « Ah, quelle trahison !» s'écria Igor en se frappant violemment le front. « Je n'entends pas cela !»« Je me rétracte. Rendez-moi mon rapport, monseigneur, rendez-le-moi » « Comme il vous plaira, général, » dit froidement M. de Soltikoff. « Mais alors je vais envoyer le mien au tsar avec une recommandation expresse pour la Sibérie. »« Diable !» fit Igor, désappointé. « Ce matin, » continua le gouverneur, « cédant à vos instants de prière, j'ai bien voulu garder une dernière fois le silence sur votre conduite. Mais puisque vous m'y forcez... »« Et non, monseigneur, et non !» interrompit Igor. « Je me reprochais, du reste, cette coupable indulgence, » dit le comte, sans avoir l'air d'entendre les interruptions d'Igor. « Mais il est toujours temps de remplir son devoir. » À ces mots, il sonna vivement. « Appelez mon secrétaire, » dit-il à un laquais en livrée qui s'était empressé d'accourir. « Monseigneur, » reprit Igor d'un ton suppliant, « je vous en conjure, ne me perdez pas !»« Non, non, c'est inutile, j'écrirai, » répliqua le comte en arpentant à grands pas le salon avec une agitation très bien jouée. « Monsieur le comte, écoutez-moi donc !» disait Igor, en suivant pas à pas les évolutions du gouverneur. « Je consens à tout, je ne rétracte rien !» Puis, voyant le peu de succès de ses contre-marches, il s'adressa à Fedora, qui ne pouvait s'empêcher de rire des mouvements stratégiques du général. « Mademoiselle, je vous en prie, intercédez pour moi !»« Allons, mon père, laissez-vous fléchir !»« Accordez à ma prière la grâce du général !» dit Fedora, dont l'aversion pour Igor s'était évanouie depuis qu'elle n'avait plus à craindre de l'épouser. « Je me joins à mademoiselle, » dit à son tour Godolphine. « Soyez généreux, monseigneur, n'attristez point par votre rigueur un si beau jour. »« Vous le voulez tous ?»« Eh bien, soit !» dit le gouverneur, feignant de faire un violent effort sur lui-même. « Général, » continua-t-il en tendant la main à Igor, « j'oublie vos torts. Ne les oubliez point, vous !» et que le passé vous serve de leçon pour l'avenir. « Merci, monseigneur, merci !» répondit le commandant de la place, avec une expression que l'on aurait pu prendre pour de la reconnaissance s'il n'avait ajouté entre ses dents « être joué de la sorte et dire merci !» Cependant, la tante Hélène, qui depuis longtemps prêtait l'oreille sans entendre, s'adressa à Ivan. « Expliquez-moi donc, monsieur, je ne comprends pas. »« Ni moi non plus, madame, je vous jure !» répondit le jeune homme, qui ne pouvait se rendre compte de son bonheur. « Et toi, Fedora ?» reprit la vieille dame. « Je n'en sais pas davantage, ma tante. »« Ma sœur, mes enfants, » dit le comte avec son fin sourire. « Monsieur Godolphin, qui voudra bien nous faire l'honneur d'assister à la noce, se charge de vous expliquer tout cela. » Ainsi s'achève Ivan et Fedora de Jules Van Gaver.